je décrète ce soir les lois des mesures de bière. Alors qu'on se le dise, appelez votre entourage, restez calme, débouchez tranquillement, lentement, avec grand plaisir, une bonne bière que vous adorez, si c'est la blonde, si c'est la stout, si c'est la pichner, puis si c'est aucune d'entre elles, ben versez-vous un bon verre d'eau, puisque à partir de maintenant, nous annonçons solennellement, pardon, oui, solennellement, les lois des mesures de bière. Aujourd'hui, le 14 janvier 2019, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Avec le temps. Avec le temps, va. Tout s'en va. Para sempre, por inteiro. Inhabit me como flor no seu canteiro. Chuva vai cair. Put your hands on me. Take your hands off me. Inhabit me. A casa é sempre sua. Habite em mim. Hang around a little while. They say it's cold outside. You habite em mim. Leave them anywhere you want to. Inhabit me. Me faça ver se cobertor. Life under the dawn. Place your don't need to tell. On ne devait pas revenir par là. On devait pas. On avait déjà entamé une discussion virulente entre moi et elle. Moi et elle. Elle s'appelle moi et elle. Moi et elle, Thibodeau. Pas moi et elle, mais moi et elle. C'est moyen, hein, moi et elle. Ça, il faut avoir épuisé comme bien des prénoms. Le fond, hein, il faut avoir cherché. J'ai pensé à un cheveu, moi, de l'appeler Maillet. On sait qu'il existe des noms dans Maillet, mais ça, il n'y a pas de problème, là. Antonine Maillet. Mais déjà là, comme prénom Maillet, ça laisse un peu de chaleur au niveau des... hein? T'as peur de savoir le reste? Si son prénom, c'est Maillet surprenant. Maillet Tremblay. Maillet le mieux. Mais il n'y avait pas autre chose. On est rentré au magasin. Il y avait du monde là. C'est plus de monde que ça, là. On s'aurait cru un spectacle de... Eh mon Dieu, de qui? Il n'y a plus de monde qui attire. Le public, là, ils sont plus prêts à se déplacer. Là. Ils ont de la difficulté à marcher pour aller au travail. Les patrons sont obligés d'aller chercher dans leur demeure. On est rendu là. Et ça se réveille le matin. Le patron est là à la porte. Comme un chauffeur privé pour son employé. Elle vient quand j'ai besoin de toi, moi, là, sinon il est obligé de fermer. Oui, on t'attend. On est en bas. Comment ça, on est en bas? Vous êtes combien? Vous êtes... Ben, on est six, les six employés. Je me suis procuré en fin de semaine un autobus. À tous les matins, je vais aller vous chercher. Arrangez-vous pour venir après, ça me dérange pas. Vous retournerez avec le moyen du bord. Vous arrêterez de bord en bord. Avant de vous rendre chez vous, si vous trouvez votre domicile, votre logis. Parce que si dans ton chemin, il y a 6-7 bords, j'ai bien peur que tu prennes le bord. Tu trouves plus la porte de chez toi, l'adresse. Il faut déjà trouver l'adresse. Quand tu es dans ton immeuble ou ta maison, c'est plus sécuritaire. Mais admettons que tu restes dans un immeuble à 12 appartements. 12 appartements. Pas 3, là. Moi, c'est pas un triplex, là. 12 appartements. Là, je suis très simple en disant 12 appartements. Je pourrais dire 20, mais on va faire une douzaine. 12 appartements. Là, tu viens de trouver ton immeuble, c'est beaucoup. Le reste, c'est pas grave, tu peux coucher sur les marches, t'es déjà rendu. Là, ton patron, le lendemain, il va venir te chercher. Il va te ramener au travail. Il va te laisser aller. À 16h30, il te laisse aller. Toi, tu pars de tes propres moyens. À la fin de la semaine, t'es plus propre, là, mais tes moyens non plus. T'as même plus à peine de lucidité pour te le dire, hein, pour dire à tes jambes. Là, c'est un après l'autre, OK? Pas les deux en même temps. J'ai planté hier. Me suis fait mal. Pas été à l'hôpital, travailler le lendemain. Mon employeur m'a dit, ça va aller, ça va aller. Puis là, quand je suis parti à 16h30, il m'a offert une bière et tu prendras ça en temps allant. C'est un petit remontant. Je sais pas depuis combien de temps la bière et l'alcool sont des remontants. Parce que moi, ça, je descends. Ah, mon Dieu Seigneur, ça me remonte pas, moi. On peut dire que ça hypnotise, ça hypnotise. Comment ça hypnotise? Non, ça hypnotise. Elle reprend-moi pas, moi je connais mon française, moi. Moi, mon française, je la connais autant que ma belle anglaise. Oh! Es-tu belle, cette anglaise-là? Elle chante bien, elle fait des belles chansons. Elle fait des belles chansons! C'est pas elle qui les écrit, c'est pas elle qui aime en musique, mais c'est elle qui les chante, hein? Elle prend sa bouche. Mais je pense que c'est la bouche qui l'a pris. Elle est belle, elle est belle. Elle chante bien, hein? Oh, moi, c'est ce qui me permet de rester vivant. La musique, les chansons, puis surtout cette belle anglaise-là. Oh, attends, chantes-tu de la belle musique, la chanson? Ah, c'est plus jeune, c'est plus jeune. Moi non plus, je suis plus jeune. On est de moins en moins jeune. Ce qui me fait peur, c'est quand je demande à mon Google Home l'âge de mes artistes préférés. Par exemple, avant de commencer l'émission, il y a à peine 15 minutes, j'ai dit « Google Home! » OK, Google, OK, attention, OK, Google Home! Google Home, dis-moi l'âge de Francis Cabrel. Francis Cabrel va avoir 66 ans. 66 ans! Dans ma tête, il y en a 40. Il va avoir 66 ans. Jean-Pierre Ferland, il va avoir 85 ans. Hugo Frey va avoir 90 ans. Tony Bennett va avoir 92 ans. Ben voyons donc. Les artistes ne doivent pas vieillir. Hey, là, je me suis dit, quel âge as-tu, toi? En me posant là, je me pose des questions, là. Hey, quel âge as-tu, toi? Puis là, c'est des coups de bord derrière la tête, derrière la muque, la muque. La muque, pas l'anus, la muque. La muque, à côté de la nuque. Muque. Ouais, ça dévisse, moi. Je suis rendu au temps de ma vie où ça dévisse. Et quand je me replace tout ça, là, ça fait muque. Puis quand je sais que c'est bien serré, bien prêt, ça fait touc. Muque. Ah, là, je suis bien pour quelques temps avant que ça recorde. Là, je le reprends. Muque. Je peux faire ça pendant mal de temps. Je fais des hauts, des bas. Après ça, j'ai des petits hauts de cœur. Pardon? Alors, je parle toutes les langues. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Tu me donnes une langue, là, j'y goûte avant pour savoir quelle sorte de langue que c'est. Je peux pas parler des langues comme ça. J'improvise pas ces langues, moi. La première langue que j'ai apprise, c'est moi qui l'ai appris. Moi, je suis singulier. Je suis masculin singulier. Je suis seul. Personne ne veut, même pas, les microbes veulent rien, veulent rien savoir de moi. Tu es un petit microbe, tu dis, voyons donc, petit microbe au pied, tranquille. Tranquille, monte sur moi. Monte. Là, tu le vois, il te regarde. Il fait des signes. Ah, non, quoi, tu vois, je suis pas syndiqué. Si je monte sur toi, je suis même pas. On sait pas comment ça va finir, ça fait. Ah, non. Viens-t'en. On a du plaisir à la cime. Puis lui, la cime, voyons donc, c'est même pas un poids. Le poids, c'est trois fois gros, c'est mille fois plus gros que lui. C'est niscroscopique. C'est tellement niscroscopique que toi, pendant ta journée, tu piles dessus au moins facilement, là, 2-3 millions de ces bébites-là. Ben, c'est pas des bébites, c'est mes amis, là, mais c'est Niskroskosis. C'est ce que c'est ce que c'est. Mais même à ce que 8, là, c'est pas plus gros. Tu veux grossir ça à ce que 1000, ben, tu peux commencer peut-être à reconnaître, pas à voir, là. À reconnaître. C'est un peu comme le désert du Sahara. T'as-tu déjà été au désert du Sahara, ma belle Rita Bibelot? T'as pas sorti de ta cuisine, toi. Mais tu fais des bons pâtés à la viande. Continue ton grand travail. Mais il faut pas non plus dire ça lorsque tu monteras, là. Ben, moi, je te conseille de monter lorsqu'il y aura l'arc-en-ciel. Ah, tu peux choisir ta couleur. Tu montes la couleur que tu veux, là. On t'oblige à rien. Hey, moi, c'est le bleu, tu sais, le bleu fatigant, là, le bleu qui tire sur le blanc, à côté du blanc. Moi, je me cramponnerais là-dessus pour me rendre en haut. Je me laisserais glisser après ça sur le rouge-rose. Parce que le rouge-rose, on dirait qu'il se rend plus loin. Peut-être même en australise. Moi, l'australise, là, ma voisine, elle a fait de l'australise. Un problème de sang, puis il l'australise comme ça aux 2 semaines. Ah, il paraît que c'est dur, hein? Pas facile, ça. Ouais. Non, c'est pas de la dialyse, c'est l'australise. Dialyse, je la connais pas, elle. Mais elle s'australise de même. Puis pour ça, elle peut rester vivante longtemps de même, là. Mais c'est souffrant. Mais c'est plutôt fatigant. Pas souffrant, c'est fatigant. C'est fatigant, mais elle a le moral. Il chante des belles chansons de la compagnie Mémol. La compagnie Mémol, la compagnie Mémol, Mimol, la Mimol. Pas la dure, parce qu'elle n'est plus capable, ça dure. Elle comprend juste sa molle. Ah, mon Dieu. Mais la douce molle. Pas la molle rugueuse, là. Parce que celle-là, elle est plus complexe et plus compliquée. Tu freines. Tu freines, puis tu peux te péter la tête. Puis elle n'est pas faite pour se péter la tête. Elle est déjà sur les lémolises. Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est une belle femme. Ah, oh, belle femme de même, là. Ah. Elle se regarde même plus dans le miroir, parce que le miroir, il dit tout le temps, « T'es trop belle pour moi. » Je dis, voyons donc, moi, ça me fait comme un déclic. Je vois Depardieu. Et je vois Bouquet, Carole Bouquet. Et je vois Blier. Et ce film extraordinaire. « Trop belle pour toi. » À l'époque où j'étais ensemble, bizarre la vie, hein? T'étais ensemble, puis à un moment donné... C'est comme entre la bouteille de bière et le bouchon. Il y a une coupure. À travers cette coupure-là, ben, il y avait du bel élixir. Mais l'élixir, c'est peut-être malheureusement dissipé. And headlights high and away. Hervé Villard chantait « Capri, c'est fini !» Mais moi, je dis que Pixies, ce n'est pas fini. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Alors, si ça vous arrive, madame, mademoiselle, appelez-moi. Je vais vous donner, uniquement pour vous, mon numéro de téléphone cellulaire. Très bien. Appelez-moi parce que moi, je suis connecté en haut. Je suis beaucoup plus intra qu'extra, mais je peux devenir extra si c'est pour vous sauver la vie. Mais il faut être membre de CKRL. Si vous ne l'êtes pas, m'intéresse pas. Je suis comme ça, moi. Je sauve ma patrie, je sauve mes membres, je sauve mes amis. Si vous n'êtes pas capable de payer 25$ par année, 20, même pas par semaine, par année, 25$ par année pour aider, pour stimuler, pour rendre cette radio de plus en plus exceptionnelle. Elle est vraiment en haut, là, actuellement. Là. Elle a toujours été en haut depuis belle lurette. Même belle lurette, j'ai demandé avant d'entrer en onde. Ça fait combien de temps, belle lurette? Elle a dit, moi, je ne me mets pas de ça, moi. Ah non, moi, je suis belle lurette. Moi, je suis stagné au zénith. Puis si les gens peuvent coller là le plus longtemps possible, ou les groupes, ou les organismes, ou les artistes, tant mieux. Je suis pas là pour évaluer. Je suis là pour surexciter. pour rester la meilleure ou le meilleur ou les meilleurs. Ça veut dire que si vous n'êtes pas membre, puis vous faites enlever par des extraterrestres, après, moi, il n'y a pas de dire, moi, regarde. Nancy Lemieux vient de se faire arrêter. Embarquer dans un ovni. Ovni, c'est pas compliqué, là. C'est une soucoupe. Puis il y en a de la soucoupe au Québec, madame, monsieur. Il y en a de la soucoupe. Et ça... Tu te promènes dans la rue, là, faut pas que tu regardes. Parce que c'est des soucoupes qui essayent de vérifier si d'autres personnes plus, entre guillemets, normales vont repérer les soucoupes. Puis s'ils les repèrent, eux autres sont branchés en haut, là. Ils disent « Soucoupe, appelle soucoupe, descendez, j'ai des belles brebis pour vous. » Parce qu'eux autres, entre eux autres, là, nous sommes des brebis. Pour les extraterrestres, pas même affaire. On n'est pas des brebis. On est des pas levés. Des pas levés parce qu'eux nous voient du bas. Puis ils me disent que, oh, que les filles sont belles au Québec. Mais ils sont chanceux. L'hiver, c'est moins intéressant, il paraît. Très, très, très, très peu intéressant. Il n'y a pas de... Mais à partir du printemps, là. Printemps, printemps, été, automne. Oh, là, l'automne, ça commence à... Les intras pleurent davantage. C'est pour ça qu'il y a des rats de marée. Il y a des rats de marée. Et ces rats-là montent en surface. Ça vient pas... Savez-vous d'où viennent les rats? Ça vient des intras parce que c'est leur robot à eux qu'ils ont tenté de rendre normatif, là, parce que sinon, ils se feraient coffrer pour un rien. Faut avoir l'air normal. Hein, hein? Alors, ce qu'ils font, ils mettent les rats en haut. Qui sont branchés sur des caméras. Puis en circuit fermé, toujours le circuit fermé. Moi, ils m'ont dit que le circuit ouvert, ça n'a jamais fonctionné parce qu'il y a des pirates qui essayent de rentrer en communication avec eux. Et eux ne sont pas parlables. Ils détiennent le savoir. Pas le savoir, le savoir. Parce qu'ils disent « savoir, c'est manipuler ». Quand tu le sais, tu peux manipuler. La manipulation est très importante pour les intras. Les extras, non, non, eux autres, explorent, vérifient. Communique jamais avec l'intra. L'extra ne va pas avec l'intra. Deux choses totalement identiques. Totalement différentes, excusez-moi. Non, mais parce que là, j'ai eu comme un... Oui, ils m'ont branché dans les deux sens en même temps. Moi, je communique, moi. Je suis comme un médium extra large. Pas de fromage. 350 au four. Croûte mince. Non, oh non, pas que. Oh non, non, non, non, je veux pas être. Non, monsieur, je veux pas être une. Je reprends. Je veux avoir une. Je veux être une croûte, mais avec du fromage à l'intérieur. Puis si vous pouvez rentrer quelques pepperoni épicés, encore mieux. Comment tu appelles ça le pepperoni? Ah, mon Dieu. Il est sec? Hongrois. Petit pepperoni hongrois. Pouvez-vous me mettre dans un fromage, dans une croûte avec fromage mozza et pepperoni hongrois? Non, on a le droit. On a le droit. Le gouvernement nous autorise. Imagine-toi, s'il n'autoriserait pas à mettre une croûte et à l'intérieur du fromage et du pepperoni hongrois. Puis en même temps, de l'autre côté, ils vendent du cannabis. Ce serait épouvantable. Moi je ferais la... Hey, ouais, non. Moi, je prends pas de cannabis. Moi, je prends du pepperoni. Je le fume pas, je le mange, moi. En plus, je suis pas gêné. Dans la rue, avec mon pepperoni hongrois. Pong, pong, pong. Ah ouais, là, un après l'autre. J'aime tellement ça. Mais c'est dur sur le foie. C'est gros, ces affaires-là. Hein? C'est gros. Ah, mon Dieu, hein, c'est plein de générosité au niveau de la... Ouais, du reflux. Ah, mon Dieu, Seigneur. Vivrai pas vieux, moi, là. J'estime, là. Si je me rends 50 ans, c'est merveilleux. Pardon? J'ai dépassé 50 ans? Êtes-vous malade, vous, madame? C'est qui vous a dit ça, les intros ou les extras? Parce que moi, je peux vous dire, les intras aiment bien l'humour. Ah, c'est drôle, mais les extras, ils sont toujours en train de chercher. C'est des êtres qui réfléchissent. Tandis que les intros sont beaucoup plus dans la fête, dans la folie. Hey, vous êtes du bas, là. Du bas en haut. Ils me disent souvent, c'est pas beau à voir, là, mais il y en a certains. J'ai dit, mettez ça sur Facebook. Nous autres, on n'a pas Facebook. On est plus évolués. On est ultra évolués. Puis là, faut pas non plus demander. On s'arrête là-dessus parce que, tu sais, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça. Faut pas demander. Si tu fais une table ronde, là, tu sais, un genre de discussion radiophonique. Je le ferai à un moment donné avec des intros et des extras, vous allez voir. Mais il ne faut pas demander si un est plus important que l'autre ou si l'autre connaît plus de. A plus de connaissances que l'autre. Il y a vraiment là, une certaine. Exactement. C'est comme une équipe de sport. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est... Mais c'est différent. Moi, je connais ça parce que ils m'ont dit, tu es la personne qui dira tout. Mais là, du haut, du bas, en même temps, je suis tyrannisé. Non, je suis tiré de tous les bords. Je suis comme, vous savez le bonhomme là, qu'on étire, là, en mer glaise. En anglaise. Ah, oh, mon Dieu. Les Anglais, ils sont pas étirables. Non, ils reviennent plus après. Ils s'étirent, mais ils restent étirés tout le temps. C'est comme Claude. C'est pas le louche, mais c'est louche. Presque blague, là. Hein? Ils s'en viennent nous chercher. Estaba pensando sobre viviendo con mi sister en New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya, bien rica, bien chévere. J'aime mieux rester dans ma cuisine, agna, agna, agna, au lieu d'écouter le hockey, agna, agna, agna. Sleeping underneath the bed. don't scream or we will have to shoot. Stop, right where you stand, we need a chalk outline if you can. Put your hands where we can see. Il y a trop d'érosion. Là, ce que je veux vous dire, c'est comme... oui, c'est un peu gênant. Bien, gênant, non. Si vous entendez des micros, c'est normal. Je voulais faire comme maintenant, là. Maintenant. Là. Hein? Oh non. Mon bras de chaise est en train de fendre. Bon. Une autre complexité. Là, c'est comme le David Bowie. J'ai deux micros actuellement là, que j'ai plantés là. Tu vois, je suis planté. Non, je suis planté ici, là, mais je vais me déplanter. Je suis capable de me déplanter. Moi, je me plante autant que je me déplante. Ne demandez pas ça aux plantes. Là. Eux autres sont là puis ils ne bougent pas. Là, pouvez-vous sortir? Merci, Gaétan. Oui, c'est ça. Et en même temps, je vais vous dire que je vous présente une invitée extraordinaire. Bon, ben pour ce faire, on doit faire solennel. Quand on fait solennel, on arrête l'écho et on est ici ce soir. Quand tu écoutes, là, ça fait comme une boîte en carton. Pas en carton, mais en carton. Alors, on va lâcher la boîte en carton pour arriver ici avec un son extraordinaire. Mais c'est vrai, ça fait carton, hein? Bon, donc, hein? Allô? Ouais, mais c'est parce que c'est la cité de la... Ça dépend du micro. On fait des expériences ce soir devant vous. Vous êtes chanceuse? chanceuse aussi. Aujourd'hui, le vendredi, c'est à l'époque où j'étais d'époque, là, où j'étais une vedette. Les gens m'arrêtaient dans la rue pour que je signe leur carnet de chèque. J'en ai perdu de l'argent. Ah, mon Dieu! À cette époque-là, hey, ben moi, j'étais une vedette, là. Parce qu'on croit que t'es une vedette. Vedette est associée à beaucoup de fric qui tombent du ciel. Il en est rien, tout ça est faux. Demandez à Lucien Lemieux, à Rita Biblo, à Joanne excusez-moi, je suis en communication. Elle ne veut pas répondre. Quand on t'appelle sur Skype, répondant. Elle ne veut pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le lundi, bien sûr, le lundi 14 janvier 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Avez-vous vu? Vous avez entendu? J'ai ouvert l'autre micro. Ça fait cacane. Aimez-vous ça, les cacanes? Les cacanes berges? Ouais, mais ils sont plus belles. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Il pleut, bergère. Prends garde à te garder, bergère. Un jour, tu vas bêler. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. OK. Alors, le 14, nous sommes avec mon invité extraordinaire en ce beau mois de janvier, et qui s'appelle, bien sûr, Marjolaine Piémont, une chanteuse extraordinaire, une incontournable. Vous voulez des preuves? On crée pas de preuves, sont là! Les preuves, elles, sont là! La sonorité vous parviendra jusqu'au tympan. J'espère. Sinon, dites-moi par où ça va passer. Et puis donc, maintenant, je vous présente pour la dernière fois mon amie. Ben non, elle ne va pas mourir, là. Parce que c'est en deux volets. Le premier volet, c'était la semaine dernière. Le 7 janvier 2019, Marjolaine Piémont. Tout le monde m'a appelé, m'ont écrit, m'ont dit c'était merveilleux, extraordinaire, quelle belle mélopée, belle musique, inventive, puis surtout, quelle belle voix radiophonique, pas la mienne, la sienne. Et puis là, j'ai dit, OK, on va remettre le succès, pourquoi pas. Donc, en ce 14 janvier, Marjolaine Piémont, pour fermer cette rencontre que j'ai eue avec elle en 2018. Alors, ça commence maintenant. À quoi ça sert d'avoir des mains si personne ne les baise? À quoi ça sert d'avoir des seins si seulement ils pèsent? Pourquoi mettre une robe si personne ne me l'enlève? Pourquoi perdre du poids si aucun bras ne me soulève? À quoi ça sert d'avoir un cœur qu'aucune flèche ne transperce? Pourquoi ma peau si douce sans caresse? Pourquoi porter un corset si personne ne m'en délivre? À quoi sert mon parfum si jamais on ne s'y enivre? À quoi ça sert? Pourquoi ça sert? Pourquoi ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse? Pourquoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi sert mon rouge à lèvres si personne ne le mange? Pourquoi toutes ces crèmes contre la peau d'orange? Je marche dans les rues, personne ne me renverse. Pourquoi toutes ces larmes si jamais on ne me bouleverse? À quoi ça sert? Pourquoi sa sœur, ma gorge, ses enfants qu'on embrasse. Pourquoi ça la sœur, mon cœur, ses amoureux qui s'enlacent. À quoi sert cette épaule si personne n'y pose sa tête? Tout ce monde au balcon, jamais on ne s'y arrête. Pourquoi ça sœur, ma gorge, ses enfants qu'on embrasse? Pourquoi ça la sœur, mon cœur, ses amoureux qui s'enlacent? À quoi ça sert? Pourquoi ça sert? Ça sert. Il était veule et familier le vautour autour de sa proie qui louvoyait tout autour de moi. Il voulait me vouvoyer comme vous écrivez, mademoiselle. J'aime vos belles paroles. Envoyez-les par mail @gmail.com. Moi je me suis pas méfié, quelle conne. Là. Comme le faisait Bobby Lapointe. Oui, alors Bobby Lapointe, il travaille beaucoup sur la forme aussi, c'est-à-dire la consonance, l'allitération, tous les des règles de versification, enfin Takati Takiti, il y a énormément de Tucker. Je sais pas si je pourrais. On retrouve chez Souchon ça, parce que récemment, je réécoutais La Vie de Théodore. Je m'en vais dehors avec Théodore, dehors. Ah, oui. Il répète dehors. Oh, oui, comme mais, ça. Mais ça, c'est une genre de. Souchon, c'est une musique presque somnolente, c'est-à-dire qu'en répétant un peu comme Alain, Bachung à la fin de sa vie, il répétait souvent les mêmes mots, histoire oui. de créer presque un emboutement. Oui, faire c'est entrer vrai. Les mots dans un. Alors que c'est moi, j'ai pas, je répète pas les mots, mais ça m'a donné du coup des idées en me disant c'est vrai que parfois j'aurais pas voulu moi répéter comme ça sur, à l'écrit, je vais dehors avec Théodore, dehors. Et c'est beau, c'est beau. Et finalement, c'est joli, parce qu'on entend là, toujours la rime en or, Théodore, dehors, et c'est bon. J'ai vu sur plein de chansons, peut-être que celle-là n'est pas la plus parlante, mais... Mais la musique de Vouzy aussi est envoûtante, donc c'est tout le lien entre les deux. Aimerais-tu trouver ton Vouzy musical? Oui, peut-être, ça serait pas mal, avoir quelqu'un qui comprenne vraiment, oui, ça serait pas mal. Lorsque tu fais des spectacles, vous êtes une sorte de petite clique, hein? Il y a toujours des gens que j'ai rencontrés, il y a entre autres Garance, il y a Pauline Paris, il y a plein de monde que... Gervaise, que tu as aussi rencontré. Que j'ai rencontré ce dimanche. Donc, c'est comme une petite famille. Oui. Est-ce que vous vous donnez des trucs ou vous motivez Oui, moi j'ai souvenir qu'on s'est rencontrés avec Garance et elle m'expliquait, parce qu'on a le même guitariste. OK. Et elle m'expliquait, ben voilà, là où elle en était, ce qu'elle visait. Elle me disait, ben, par exemple, elle m'a donné, c'est tout con, mais je lui dis, mais comment tu fais pour envoyer tes affiches par la poste? Elle me dit, ben en fait, je récupère, mais elle me donne sa technique. Je lui dis, ah ouais, c'est vachement bien, ben merci. Et tu le fais? Voilà, et je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je vais le faire. Elle est. C'est assez... j'aime bien parce que du coup, elle est très... enfin, voilà, et puis je lui dis... Moi, je lui donne aussi des adresses, par exemple. Je lui dis, comment tu fais pour démarcher, pour jouer là? Elle me dit, ben, moi, j'ai rencontré un tel. Ben, tiens, je pourrais te donner ce tel contact, etc. Et c'est comme ça que vous vous ouvrez un peu vers d'autres scènes que celles que vous connaissez, donc oui. Vous donnez des tuyaux. Oui. Est-ce qu'il y a plutôt une confrérie ou s'il y a une certaine animosité? Ah, elle va piquer ma scène. Ce qui est délicat, c'est que les programmateurs sont de plus en plus assaillis par des chanteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens. Je regardais et c'est vrai, là par exemple, on l'a fait des chansons. J'ai regardé, il y a 55 noms. J'en connais, je crois, plus d'une trentaine. Sur les 30, les dossiers sont très bons. Enfin, c'est-à-dire que je me dis, tiens, j'aimerais bien écouter un tel. Si j'étais programmateur, programmatrice, je me dirais, dois-je caser, par exemple, deux projets de chansons dans ma saison cette année? J'ai 30 noms. Qu'est-ce que je fais? Qui je choisis? Et j'ai 30 noms, mais bon, c'est-à-dire que le projet, je crois que les chansons sont abouties, il y a quelque chose d'intéressant à développer, mais lequel je choisis? Donc, je pense que du coup, il faut... se démarquer des projets, ouais, c'est ça. Apporter une singularité, donc ça doit être dans l'écriture, mais aussi dans la compo, dans la façon dont on joue. L'interprétation, et aussi finalement, moi j'ai pris le parti pris de créer un... Je voulais faire quelque chose de très un spectacle, dans le sens où je parle beaucoup entre les chansons. Ok. Où j'ai vraiment des petites scènes, comme des petites sketchs, comme un spectacle... où il y a un fil rouge entre les chansons, mais je n'enchaîne pas les chansons les unes après les autres comme un tour de chant. Je vous ai chanté cette chanson, et puis alors après cette chanson, je suis allée voir. Et donc, si c'est passé, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et donc là, et je chante une nouvelle chanson. Mais d'essayer de... Tu es en train d'écrire de là-dessus. De faire un pont. De faire un pont, mais vraiment avec du texte, avec quelque chose de... Préparé. Voilà. L'improvisation, c'est pas... L'improvisation peut s'opérer, c'est comme un canevas de la Commedia dell'arte. À partir du moment où t'as un canevas, où on sait que, je sais pas, Pantalon est amoureuse de est amoureux de telle amoureuse, il va y avoir la troisième amoureuse qui va arriver, etc. Et à la fin, en fait, Pantalon retourne avec sa femme. Mais on connaît le cheminement de l'histoire. Donc il y a beaucoup d'improvisation. Moi, c'est très écrit. Mais parfois, si quelqu'un rebondit ou j'entends dans la salle quelqu'un qui a son téléphone portable qui sonne, ou quelqu'un qui me dit un truc, je vais rebondir. Est-ce que tu trouves que le public est très attentif à ce que tu fais? Ça dépend des salles, mais en général, oui. Et comme on disait tout à l'heure, il y a quand même des gens qui te suivent, Oui. Et est-ce que tu trouves ça touchant? Parce qu'il y a tellement d'artistes, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, je suis extrêmement émue. Je suis extrêmement émue et en même temps, on ne sait pas trop s'il faut mettre des barrières parce que... Ah oui, ok. Moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages, mais tous les jours, quoi. Et en même temps, ce n'est pas une copine, mais elle m'envoie un message. Elle m'envoie plus de messages que mes amis à moi. Donc mes amis, elles ne m'envoient pas des messages tous les jours ou deux fois par jour. C'est presque une maladie. Oui, en fait, je fais partie de leur vie et il faut juste cibler la place qu'elle doit prendre près de moi. Et moi, la place, je ne suis pas maître de la place que je prends chez elle. Mais moi, il faut que j'arrive à vivre à travers tout ça. Voilà. Ouais. Mais en même temps, après, j'ai pas une grande communauté non plus. Donc, j'arrive aujourd'hui encore à gérer. J'espère que j'arriverai toujours à gérer. Mais et pouvoir continuer à faire plus de scènes pour pouvoir encore mieux vivre de mon art, de ce que je fais. Mais tu vois quand même depuis le début qu'il y a un cheminement intéressant. Tu ne sors rien pas du début. Donc, il y a quand même... Oui, en fait, c'est un artiste. À partir du moment où on passe... C'est la vie d'un artiste. Hein, ouais. On passe par différentes phases, on fait des choses. Et finalement, c'est assez intéressant. Mais comment cet album-là a abouti? Est-ce que c'était quelque chose de prévu ou c'est né comme ça par hasard? C'est un album qui a été beaucoup travaillé ou il y a des gens qui se disent « Regarde, on va faire quelque chose ensemble » et ça a donné un produit... Non, ça a été très long. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire mes premières chansons en 2006. Je crois qu'Un homme à poil, C'est bon, Un homme à poil, j'ai écrit en 2006 et elle est sur un CD en 2016. Mais je la chantais régulièrement là où je reprenais des chansons. Puis un jour, il y a des gens qui disent « Oh, j'adore cette chanson de Brigitte Bardot, là, sur les hommes à poil. » Je fais « Ah non, c'est pas une chanson de Brigitte Bardot. Ah bon, c'est de qui ?» Alors, il cherchait, il dit « En fait, c'est de moi. » Mais non, je crois que Brigitte Bardot a fait la même. Je fais « Non, c'est de moi. » Et du coup, donc je la chantais. Il y a des gens qui disent « Mais où on peut l'acheter ?» Ben, nulle part. Puisque je ne l'ai pas enregistrée, puisque je la chante sur scène. Et donc, pendant longtemps, j'ai chanté des chansons sur scène. Et un jour, je me suis dit, bon, l'étape est... Il faut faire un disque. Ouais. Ok, on va faire un disque. Et donc, mais là, c'est la scène, au départ, qui me plaît le plus. Mais en même temps, c'est des chansons qui ont vécu beaucoup sur scène. Oui, oui. Donc, elles sont tout à fait prêtes et elles sont mûres. Elles sont très mûres. Et aujourd'hui, je ne trouve plus trop de moyens de changer. Peut-être qu'il faudrait la réarranger, mais comme ça, je sais exactement où les gens vont rigoler, où les gens... où j'attends, où les gens s'en disent « Ah, mais maintenant, les gens qui viennent me voir, les gens qui découvrent la chanson, les gens qui viennent me voir la chantent direct. Mais les gens qui découvrent la chanson, j'entends tout le temps les mêmes rires ou les mêmes, des petits comme ça du public au même instant. » Alors, c'est quand même une chanson bien ciblée, bien travaillée, parce qu'il y a une réaction à l'endroit où tu voulais créer une réaction. Disons que je ne savais pas que ça allait créer cette réaction, c'est que je m'en suis rendu compte que ça créait cette réaction. C'est à force de la chanter. Voilà. Et après, que c'était toujours, les réactions étaient toujours au même endroit. Et est-ce que c'est l'album qui est terminé, que tu vas sortir bientôt, est-ce que ça a été un cheminement difficile? Ou parce que faire un disque aujourd'hui, c'est pas... Oui, c'était dur parce que j'ai pas trouvé tout de suite les bons arrangeurs, collaborateurs. J'ai commencé à travailler des équipes. Puis j'avais un arrangeur, j'avais quelqu'un qui croyait beaucoup en projet, mais l'arrangeur ne me plaisait pas, je croyais que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Et après, j'ai cheminé comme ça d'arrangement en arrangement qui ne me plaisait pas, jusqu'à ce moment me disant, bon, allez, c'est pas grave, même si ça ne me plaît pas complètement, j'avance et je défendrai mon beefsteak sur scène. Un peu trop féminine. Aujourd'hui, ces messieurs s'épilent en effaçant leurs traits virils. Où sont passés les mâles, les descendants de Néandertal? C'est devenu original quand il est nu, un homme à poil. C'est bon, un homme à poil. C'est chaud, un homme à poil, c'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Les poils, c'est l'antique. caresse, puis je m'invente un nouveau jeu. J'ai pour mission de défaire les nœuds. Très peu pour moi les imberbes. Je veux me rouler dans l'herbe, respirer les senteurs boisées d'une promenade en forêt. C'est beau, un homme à poil, c'est presque un animal. C'est chaud, un homme à poil, c'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Embrasser un homme mal rasé, ça donne du piquant au baiser. Ça laisse un peu de rouge aux joues, une trace en arrière-goût. Je dors sans couverture, puisque j'ai contre moi mon manteau de fourrure. Sur son torse pousse une crinière, je m'y accroche des nuits entières. C'est bon, un homme à poil, c'est presque un animal. C'est chaud, un homme à poil, c'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Dans l'ensemble, t'es fière de ton album? Oui, dans l'ensemble, je suis fière. Même si ça ressemble à un... C'est un album très produit. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'instruments, etc. On n'attend pas trop ça en chanson française. Donc c'est vrai que ça déroute un peu les programmateurs. Et les programmateurs, souvent, préfèrent quelque chose de beaucoup plus brut, guitare-voix. Ouais. Et quand je chante la chanson guitare-voix, ils font « Ah, ben j'avais pas du tout vu ça comme ça. » Donc ils retrouvent la naissance de la chanson. Donc il faut que les gens me voient sur scène pour qu'ils comprennent là où je veux aller. Donc le disque et la scène, pour toi, c'est différent. La scène est beaucoup plus, c'est plus vivant. Un album, ben, c'est figé, donc... C'est figé, c'est... j'ai enregistré à un moment donné, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ma voix n'était pas au top, peut-être que je n'avais pas la bonne interprétation, peut-être que... Voilà, là, la scène, c'est on voit ce qui se passe, c'est mieux. Et surtout, ça fait partie d'un tout, un album aussi. Est-ce que tu voulais raconter une histoire dans cet album-là ou tu voulais, au contraire, chaque chanson avait son autonomie? Chaque chanson a son autonomie. Est-ce que, en écoutant, ou surtout en réfléchissant sur la première chanson que tu as fait jusqu'à la dernière, est-ce qu'il y a une sorte de... J'ai dit tantôt, mais une continuité aussi? Tu as vraiment trouvé les mots pour le dire, un style dans l'écriture, un style dans la musique? Où tu veux pas t'arrêter à créer un style, mais que tout soit authentique. Oui, non, je sais pas créer un style, j'essaie d'être d'avoir quelque chose d'authentique qui me ressemble. Et comme la vie est rapide, il n'y a pas grand chose qui peut pas t'émouvoir, il n'y a pas grand chose qui t'inspire pas. Tout t'inspire. En fait, je pense que c'est une chanson, c'est une histoire d'angle. C'est-à-dire que. On tombe tous amoureux un jour ou l'autre. Et plutôt que de dire « je t'aime mon amour pour toujours », il y a d'autres façons de traiter une chanson d'amour. Quand Brel dit « ne me quitte pas », on entend « je t'aime mon amour pour toujours ». Mais la façon, l'angle par lequel il attaque la chanson est extraordinaire. « Ne me quitte pas », c'est l'angle est vraiment très intéressant. Je sais pas, tu te laisses aller de Charles Aznavour. C'est très intéressant comment on voit l'amour au long cours. Comment j'aime beaucoup. Enfin, c'est incroyable de dire tu te laisses aller. J'adore. Ouais, c'est audacieux, mais en même temps, c'est un autre angle de l'amour qu'on n'élabore pas souvent. Oui. C'est le côté plus sombre. Mais c'est quand même aussi un côté un peu sur l'érosion des sentiments. C'est très noir. Mais c'est j'aime bien cette chanson parce que il y a un véritable angle. En fait, j'aime bien quand les artistes montrent la vie sous une facette où je n'aurais pas perçu ça. Parce que finalement, la beauté de la vie, c'est la manière dont on la perçoit. Si un optimiste voit toujours la vie d'une certaine façon, Et alors qu'un pessimiste la voit de l'autre côté. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens voient la vie. Et par exemple, sur une difficulté, il y a des gens qui sont toujours très... qui prennent ça avec bonhomie, ou qui prennent ça avec... en disant, bah, c'est le destin. Oui, et donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir comment une personne, qu'elle soit artiste, qu'elle soit, je ne sais pas, comptable, banquier, avocat, médecin, voir comment les gens prennent la vie, même s'ils la prennent de façon très sombre, je trouve ça toujours très intéressant. Est-ce que tu te considères comme féministe ? Oui, bien sûr. Je ne comprends pas les gens qui ne sont pas féministes. Autant les hommes que les femmes. Oui, bien sûr. C'est pas un gros mot, féministe. Hein. Féministe, c'est pas... moi, j'adore les hommes. Je suis pas du tout contre les hommes. Je suis tout contre, comme dirait Sacha Guitry. Mais ce que je veux dire, c'est que féministe, aujourd'hui, c'est très important. C'est pour... voilà, pour qu'on ait les mêmes droits, pour qu'on comprenne... C'est vrai qu'en France, les femmes, on a quand même beaucoup... Tu parlais tout à l'heure qu'on est un peu rétrograde en France par rapport au Québec. Mais sur plein de points, on est très rétrograde. Quand tu vas au Japon, tu vas dans un espace public. Tu as un enfant de 3 mois qui ne marche pas, que tu ne peux pas poser parce que tu es toute seule, par exemple. Eh bien, tu vas aux toilettes, tu fais comment ? Mais juste ça, c'est-à-dire que tu as un long voyage. Eh bien, au Japon, il y a un endroit pour poser des enfants en bas âge, en toute en sécurité, pendant que tu vas aux toilettes. Dans les toilettes des femmes et dans les toilettes des hommes. Ce sont des petites choses comme ça, du quotidien, que tu vois dans un autre pays, où tu te dis, mais pourquoi on n'a pas... Alors que toutes les femmes ou les hommes qui ont des enfants en bas âge avec eux rencontrent. Alors, je prends cet exemple parce qu'il me vient, mais il y a tellement d'autres choses. Voilà, donc enfin, c'est aussi... acquérir, on va dire, je sais rien, il y a tellement de choses comme ça, un peu ubuesques, dans notre vie quotidienne, qu'on pourrait améliorer pour les femmes et aussi pour les hommes. Et de toute façon, oui, pour les droits des femmes, parce qu'ils sont souvent bafoués. Oui, effectivement. Et encore plus, bien sûr, partout dans le monde. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça peut nous mener. Si tu étais un liquide. Un quoi ? Un liquide. Un liquide ? Oui. Un liquide, je serais un verre de Meursault, parce que j'adore le Meursault. Ah oui ? C'est peu commun. Quoi ? C'est peu commun que les gens répondent ça. C'est très peu. Les gens disent de l'eau. Ah, mais tu peux répondre, hein, vas-y. Non, je vais... Non, mais je fais un montage. Vincent ? Oui ? Ah, ok, je te l'envoie par texto, ok ? Je t'embrasse. Excuse-moi. Pas de problème. Alors... Non, mais tu peux l'envoyer immédiatement. Je peux l'envoyer... Ah, oui. Alors... je trouve les coordonnées. Ça va, ça enregistre ? Oui. Je dis pas trop de conneries ? Non, mais voyons, jamais. Parce qu'après, je me dis, oh là là, j'essaye de... Voyons. Mais parfois, quand on veut parler de quelque chose, ça peut être vite présomptueux, et je veux pas du tout donner cette image-là. Ah, j'essaye d'être vraiment très honnête dans ce que... Oui, effectivement. Mais il faut se laisser aller aussi, faut pas trop de retenue. Alors, là... Que ça va marcher. Voilà, c'est bon. Et voilà. Excuse-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, si tu étais un liquide, oui. Si tu étais une ville. Une ville ? Ah, bah, Strasbourg. Ah oui, ben, l'enfance, hein, les racines. Oui. Les racines. Je suis très attachée à l'Alsace. Est-ce que ça a changé depuis. Depuis ces années-là, moi je suis allée en 89, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ça change, parce que j'y vis plus, parce que forcément je vois que la ville a évolué, on a bâti. J'ai l'impression, mais en fait surtout c'est que je vois que la cathédrale est toujours là, ouais. Que les, les rues, le cœur historique est toujours là, que les grandes avenues construites par les Allemands sont encore là, que finalement on se fait toujours la Saint-Nicolas, qu'il y a toujours les Spritzbredele, qu'il y a toujours des Flammkirch, enfin toutes les spécialités locales et toutes les fêtes, le patois. Et voilà, c'est tout le parfum de mon enfance, toutes les sonorités de mon enfance. Et toute la, comment dire, la sororité, la fraternité qu'on rencontre chez les Alsaciens, que je retrouve toujours. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un qui a l'accent alsacien, j'ai l'impression que c'est mon frère ou c'est ma sœur. J'ai vraiment une grande attache pour l'Alsace. Alors le noyau est très fort. Oui, oui. Et moi, j'ai une bière préférée, puis je ne sais pas si c'est très connu là-bas, la Boris. Mais alors, peut-être, mais je ne suis pas très amatrice de bière, okay. Bizarrement. OK, parce que c'est une bière que l'on vend au Québec, puis on dit que c'est une bière alsacienne. Ah, la Boris B-O-R-I-S. R-I-S, ouais. Je demanderai des vraies alsaciennes. OK, parfait, tu m'en diras des nouvelles. Parce que c'est ma bière préférée. D'accord. Si tu étais une langue. Une langue? Ah ben, le français. Je ne dis pas l'alsacien parce que je ne le parle pas. Il y avait... Ou je le parle, mais je ne le comprends pas. OK. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases toutes faites comme ça que je connais parce que on me l'a fait, je l'ai entendu, mais non, le français, je dirais, français. Parce que c'est une langue qui te correspond, c'est ta langue natale, donc... Oui, oui, puis j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment tous les poètes ou les romanciers, oui, c'est une langue que j'aime beaucoup. Sous tes ailes, mais je suis un drôle d'oiseau qu'on n'attrape pas avec un anneau. Je n'ai pas besoin de béquille ni du nom de ta famille. Je suis femme, mais pas d'un homme. Je ne dépends de personne. Viens, je te demande ta main. Je t'emmène sur un chemin sans tout le. Sur les photos de mariage, les sourires même sous verre finiront couverts de poussière. Le plus beau jour de ma vie, juste un seul, je n'ai pas envie. Pas de bouquet ni de serment qui se fane avec le temps. Viens, je te demande ta main. Je t'emmène sur un chemin. Dans une cage, pourquoi vivre derrière des barreaux au lieu d'être libre comme des tourtereaux? Devant combien de chandelles on promet d'être fidèle? Dans tout joli conte de fées, l'ennui finit toujours par tomber. Viens, je te demande ta main. Je t'emmène sur un chemin sans tout le tra-la-la-la-la, sans les shabadabada, viens là et la-la-la-la-la, prends-moi, oh la-la-la-la. Tra-la-la-la-la, sans les shabadabada, viens là et la-la-la-la-la, prends-moi, oh la-la-la-la. Errance rénaldienne sur CKRL LF, le 89.1 à Québec,

sur notre vie à deux. Moi je suis au bord de larguer ton corps comme une bouteille à la mer pour nous sauver de cette galère. La nuit, je m'endors en posant mon corps à côté de toi et des hommes nus, des inconnus se ruent sur moi. Ils ne sont pas sages, ils sont des passages. Je suis devenue leur proie. Pendant ton sommeil, je vis des merveilles. La nuit, je m'endors en posant mon corps à côté de toi et des hommes. Quand le jour se lève, s'envolent les merveilles que je garde pour moi. Je garde pour moi. Que je garde pour moi. Sur le côté droit. Si tu souhaitais une époque. 19e parce que je suis une grande fan de Zola. J'adore comment il traduit la souffrance sociale, comment il traduit la richesse des relations humaines par ses mots. Je crois que j'ai jamais été aussi en admiration sur un écrivain, comment il défend des causes, comment il va faire parler les petites gens, entre guillemets. Comment il décrit les quartiers de Paris que j'adore. J'ai fait des pèlerinages, par exemple, sur chaque livre que je lisais, des Rougon-Macquart. J'allais voir les rues qu'il avait inspirées ou là où il disait ben, ça se passait là, etc. J'aime beaucoup, j'aurais adoré rencontrer cet homme-là. Si tu étais un mot. Un mot ? Ah, c'est compliqué là. Il y en a plusieurs. Un mot. Volupté. Volupté. Est-ce que dans ton écriture, il y a des mots qui reviennent constamment? Oui, homme. J'ai remarqué homme et main. Un homme de main? Un homme de main. C'est si, ça. Si tu étais un aliment. Un aliment. Ça pourrait être. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Une noix de coco. Oui, parce que c'est nutritif et c'est très juteux aussi. Oui, il y a. Et pour moi, ça ramène aussi tout ce qui est lié à l'oisiveté. Et finalement, l'oisiveté est aussi source d'inspiration quand elle est bien mise à profit. Noix de coco. Puis j'adore la noix de coco. Et surtout que ça laisse venir l'imaginaire. Oui. Pas la noix de coco, mais le fait de l'apaiser, de s'apaiser. Oui, de prendre le temps de ne pas être bousculé, mais de regarder vivre, de se laisser vivre. Au Québec, il y avait une émission dans les années 80, une émission pour personnes âgées qui s'appelait Le temps de vivre. Et c'est un homme qui, vers 14h, c'était une émission d'une heure et demie, 2 heures, et il se promenait avec son café, il allait rencontrer dans le studio les personnes âgées, et ces gens-là relataient leur vie. C'était super, très belle émission pour personnes âgées. Pour n'importe qui, j'avais peut-être 11 ans, puis je l'écoutais. Donc si tu étais, c'est bien de prendre le temps de vivre aussi. Oui. Parce qu'on se rend compte qu'à la fin de sa vie, qu'on ne l'a pas pris le temps. Oui. Et il est trop tard. Si tu étais une saison. Une saison, oh là là, c'est compliqué. Alors, les quatre de Vivaldi. Ah, je le disais, ça, j'ai arrêté de le dire parce que ça se répétait souvent. Ouais. Oui, non, sinon. Oh, l'été. L'été parce que je vous vois. Voilà. Parce que je partage ce moment avec gentil. Vous, l'accent, et qu'on est en plein été. Ah, c'est gentil. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Tu veux dire une jambe ou une main, un bras, c'est ça? bah, je dirais une main. Parce que la main qu'on tend, la main qu'on donne, la main qu'on qui nous aide. Qui condamne aussi. Oui, qui condamne. C'est important finalement les gestes de la main. Dans tout pays, on s'exprime beaucoup avec les mains. Et finalement, il y a tout un langage de non-dit, un langage qui n'est pas traduit par les mots, mais qu'on sent très bien avec les mains. Oui, effectivement. Si tu étais un moment de la journée? Le soir. Hein. Quand tout est plus tranquille, là, et ça se calme, oui. Où le spectacle commence. Le spectacle commence, où les instincts se réveillent, où finalement où les parts sombres se révèlent. Ah oui, ok. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Eh ben, je serais un homme. Comme la chanson de Dialte. La connais-tu? Oui, mais. Je rêve pas de cet homme-là, comme Diane Tell, mais non, je serais, j'aurais bien voulu vivre une vie en tant qu'homme. Un blanc, noir, asiatique? M'est égal. Vraiment, d'avoir la sensation de me balader dans la rue et finalement d'être un homme. Ouais. Essaierais-tu de te courtiser? Que quoi? Essaierais-tu de te courtiser? De courtiser l'homme? Non, toi, si tu étais un homme, essaierais-tu de te courtiser toi-même? Ah, ça, je sais pas. Je préfère la différence, donc oui. Je préférerais courtiser quelqu'un qui ne me ressemble pas. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Le même chemin? Oui, en prenant moins de circonvolutions. J'irais peut-être un peu plus rapidement. Mais finalement, c'est aussi bien les errances. Oui, c'est le titre de mon émission. C'est enrichissant. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de... Mais il faut dire aussi que lorsque tu tournes un peu en rond, il y a une évolution, il y a une école qui se prépare, il y a quelque chose. Être peut-être trop direct te fait en sorte que tu brûles les étapes et tu ne les as pas brûlées. Oui, ou peut-être je me ferais plus confiance. Ce qui est compliqué, je pense, pour en général pour les artistes, c'est les doutes qui nous assaillent. Pourquoi est-ce qu'on prend la parole par rapport à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'on décide de mener ce chemin? Et finalement, il faut peut-être avoir moins de doutes. Donc j'aurais moins de doutes. Si c'était à refaire, j'essaierais d'avoir plus confiance en moi. Là, l'album sera lancé bientôt. Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation? Il y a toujours les médias à courtiser ou à... Ou si tu vas le lancer simplement, sans créer de... Si, je vais en parler un peu à quelques médias. Je vais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est je choyer le public. Et donc, il y a des personnes qui ont préacheté l'album, okay. À qui je vais envoyer ça fin août, début septembre. Avant les autres. Avant les autres. Et puis, je vais bien sûr tourner des images de certaines des chansons. Et voilà, et au fur et à mesure, voilà pour le lancement de l'album, il y aura des clips, il y aura des versions acoustiques. Est-ce que les clips sont déjà tournés ou Il y en a un qui est déjà tourné. Et il y en a un deuxième que je tourne cette semaine. Ah oui? Mais c'est une version acoustique, okay. D'une chanson. Et il y en aura d'autres qui vont se tourner en août. Et comment on choisit une chanson parmi tant d'autres à devenir un clip, à s'enfanter Parce que j'ai des idées d'images qui me viennent en me disant tiens, j'aimerais bien tourner ça. Après, le réalisateur, il me dit écoute, tu n'es pas encore James Bond. Le budget n'est pas là. Le budget n'est pas là. C'est un jardin dans la ville, un coin de paradis fertile. Au sein de ce poumon vert, grandissent les plus beaux arbres. Les roses, même en hiver, fleurissent les tombes en marbre. Des arrosoirs dans les yeux, je reviens te dire adieu. Tandis que s'écoule ma peine à l'ombre des lauriers, me voilà couronnée reine parmi l'âme à mes pieds. litière, c'est mon parcours de santé. Je viens respirer le grand air. Quand toi tu t'es essoufflé, je chante tralala à la l'air. J'espère que tu peux m'écouter. Toutes ces minutes de silence qui s'observent en ton absence, toutes ces heures de tristesse pour tant de filles se lient. Les regrets que l'on caresse auprès du père qu'on aimait, tous nos chemins similaires, le feu sacré que l'on perd, nos déchirures qui se croisent, si banales à pleurer, que pourtant aucune phrase ne pourra consoler. Balade au cimetière, c'est mon parcours de santé. Je viens respirer le grand air. Quand toi tu t'es essoufflé, je chante tralala. Sympa et c'est assez c'est assez drôle de préparer des images parce que on se dit tiens si on faisait ça et bien sûr le réalisateur calme mes ardeurs mais j'aime bien l'idée de que tout est possible de créer ça. Après je sais pas ce que ça va rendre, peut-être que c'est... Est-ce que tu prends le même réalisateur pour chaque clip ou Jusqu'à présent c'était au gré de mes rencontres. Et là, pour plusieurs petits films, c'est le même réalisateur. Et vois-tu comme un certain lien dans la réalisation, une certaine sensibilité que tu voulais avoir avec ce gars-là pour le reprendre à chaque fois? C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, qui s'appelle Nicolas Dupuis, avec qui j'ai déjà travaillé, collaboré sur des événements. Et j'ai bien aimé son montage, ses prises de vue. Et donc on a commencé à travailler, mais rien n'est encore prêt, donc je n'ai pas vu ce que ça donne. Oui. Le montage n'est pas encore fait. Mais est-ce qu'il y a un certain stress aussi à vouloir donner la meilleure image qui soit à un écrit ou à ce que tu avais en tête? Oui, c'est un petit stress, mais en même temps, après, je me dis c'est que des images, finalement. C'est pas... Quoi qu'on dise une image au mille mots, il faut quand même trouver la... Oui, c'est vrai que c'est bien quand on a des belles images, ou quand on a des... Enfin, pas les belles, mais des images qui nous ressemblent. Qu'on avait envie ou des images enfin, passer les messages. Après, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que tu travailles éventuellement parce que après c'est certain qu'il y a un spectacle qui va suivre? Est-ce que tu prépares le spectacle ou tu te concentres uniquement à l'album puis après? Non. Je suis en pleine écriture du spectacle parce qu'il va y avoir des résidences à partir de 2019. Et donc, en vue de ces résidences, je suis en train d'écrire le spectacle. Et donc, tu vas enchaîner une tournée un peu partout en France? Et tu veux te... Oui. Oui? Est-ce que c'est beaucoup de travail, ça, repartir en tournée? Moi, j'aime bien. J'adore sillonner, j'adore voyager. J'adore... Et c'est marrant parce que maintenant, quand je vais dans un endroit de France, je me dis, tiens, je suis venue ici il y a quelques temps années. Tu retrouves les sassis, tu retrouves les mêmes... Le même coin, les mêmes personnes, donc... J'aime beaucoup. J'adore chanter... un peu partout comme ça, j'aime bien. Après, il faut qu'on me permette que j'ai la possibilité, l'opportunité de pouvoir chanter dans ces lieux-là. Mais oui, c'est assez intéressant. Et donc, prépares-tu aussi quelque chose au Québec ou as-tu un tournage? As-tu des gens qui... Mais alors, j'adorerais. Pour le moment, j'ai rien préparé, mais j'adorerais. Il y a beaucoup de petites salles, comme on parlait de la petite vallée, qui est un endroit extraordinaire pour les artistes. Pour les gens de la relève, même pour les initiés, ils vont là-bas pour se ressourcer. Et ben, les jeunes viennent là aussi pour prendre des trucs. Mais là, tous les Français sont partis au Québec. Et toi, tu viens au moment où les Français sont partis. C'est ils sont partis là. Comment ça? Ben, il y en a plein qui sont partis à Tadoussac, à Petite-Vallée. Ben, ils sont plutôt partis à Avignon. Là, ils reviennent. Mais là, pendant depuis 10 jours, 15 jours, autour de moi, j'ai vu, ils sont tous partis. Ah ils oui, ont tous pris des billets d'avion. Mais il y a tellement de gens qui ont, à qui, ben, en tout cas, que je rencontre ou que je voulais rencontrer, puis on reporte qu'à un moment donné, oui, on se rencontre et il n'y a jamais de temps mort. Il y a toujours des chanteurs quelque part, des chanteuses, des comédiens. Et heureusement qu'ils partent parce que ça me permet de rencontrer. De rencontrer. C'est ça, exactement. Et donc, une éventualité plus tard, peut-être, de venir au Québec. J'adorerais. Je vais envoyer mon dossier, justement, à le CD, puis aussi toute une petite présentation. J'aimerais bien. Et surtout qu'il y a tellement des salles, un peu comme le Saint-Jean ici, là, des bars où on laisse s'exprimer les gens. À Québec, il y a un endroit qui s'appelle la Petite Grenouille. Et les chansonniers, parce que pour nous c'est un chansonnier, guitare-voix là, et des textes, viennent interpréter ce qu'ils font. Puis aussi les yeux bleus sur la rue Saint-Jean, qui est l'endroit très touristique, très, très, très huppé aussi, où les gens vont plus. Non, mais c'est plus que Grande Allée. Et Saint-Jean, c'est plus convivial. Et il y a un petit bar qui s'appelle Les Yeux Bleus, un bar de chansonniers extraordinaire. Donc je t'enverrai des liens. Ah ben avec plaisir, merci beaucoup. Ah mais c'est un plaisir. Et surtout, c'est vraiment le public cible. Parce qu'il faut trouver son public. Tu n'iras pas. Mais puis les francophonies aussi. Et aussi les francophonies, bien sûr. C'est super gros les francophonies. Et chez nous, à Québec, on a le Festival d'été. Puis quand le chanteur ou le groupe n'est pas très connu, il y a le Festival Off. Donc c'est tous les nouveaux qui font éventuellement le festival. Complet. C'est ce que je me souhaite pour l'année prochaine, quand on se revoit. Ben si tu n'es pas à Paris, on se revoit. J'ai ici à chaque année, mais je peux aussi me déplacer et aller applaudir un peu partout. Ben, merci d'être passé à mon émission. Ben, merci à toi. Puis je diffuserai cette rencontre-là au moment où tu lanceras ton disque. Comme ça, je pourrai faire écouter l'intégralité. Ah, c'est super. Et très content de t'avoir rencontré parce que on a essayé de zigzaguer pour avoir une date et c'est tombé aujourd'hui. Je suis très content. Et comment, toi, tu connaissais les chansons parce qu'on n'a jamais correspondu avant? Comment est-ce que tu avais découvert ce que je faisais? Souvent, c'est sur YouTube hein, où on peut écouter avec l'image de la pochette. Et c'est aussi à travers des amis en commun. Garance, à un moment donné, j'ai vu que tu étais ami avec Garance, donc j'ai écouté et je suis allé voir. Et j'étais toujours... À chaque fois, bien sûr, je m'attarde à écouter ce que la personne fait parce qu'il y a des choses qui ne me touchent pas. Il y a des choses qui me touchent. Donc j'ai dit, il faut que je la rencontre. Parce que je trouve ça fait très plaisir. Ben moi demain, mais... C'est parce que tu es mon premier intervieweur du Québec. Ah, alors, ben c'est bien. Ah, ben c'est bien. J'avais un Américain déjà qui m'a interviewé, mais... Radio ou journal? Radio. Je sais plus exactement, il faudrait que je revoie, mais oui, c'était... Ah, c'est bien. C'est bien. Donc tu es le premier qui me... C'est le premier qui... Alors, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est bien, merci. Puis surtout, c'est l'été, il fait beau. Trop chaud peut-être, oui. Oh non. Non, jamais assez chaud. Oh non, c'est très bien, là. Paris, en plus, plein de gens vont partir. C'est, ça va mais être, c'est plutôt le mois d'août, hein, où les gens prennent des vacances. Je suis venu au mois d'août en 89, où c'était très tranquille. Ouais. Ah, il n'y a personne. Non. Même les boulangeries sont toutes fermées, oui. Les restaurants sont presque tous fermés. La vie s'arrête. Oui. Puis... Nous, on regarde et puis on est loin des touristes puisque au mois d'août, il n'y a plus... À part des touristes, il y a juste des touristes au mois d'août, c'est vrai, en France. Il n'y a plus de Parisiens. Non, c'est vrai, ils sont tous en vacances. Ah bien, merci. Puis, merci beaucoup, hein, vraiment. À la revoyure. À la revoyure. Je ne le vois que deux fois par an. Il me reçoit dans son appartement. Il me prend souvent entre 5 et 7. Et je sens que ça va être ma fête. Pas la moindre fleur ni attention. Lui, il veut seulement passer à l'action. Je bon docteur. Je ne le vois que deux fois par an. Oui, j'avoue, mon mec est au courant que cet homme me regarde et me touche. Mais il ne s'intéresse jamais à ma bouche. Pour me dire au revoir, il me serre la main et me donne rendez-vous au mois de juin. Je ne tends pas ma joue, oh messieurs, pour les bonjours ou les adieux. À quoi bon se cogner le visage et s'arracher des bises au passage? Je préfère, oui, je préfère la chaleur des paumes. Et je serre la main des hommes. Se pose dans la leur. J'imagine qu'ils s'en sont servis pour caresser leur anatomie. C'est tout comme si je gagnais la carte de membre, qu'ils me donnent le droit d'entrer dans leur chambre. Comme une verveine, je respire les senteurs sacrées qui habitent leur intimité. Mes yeux se baissent sur ce qui se dresse au garde à vous, et j'adresse avec maladresse: comment allez-vous? À perdre la raison.